Nous sommes le 20 du mois. Ce panneau sur lequel on peut lire 16-31 est un panneau de stationnement interdit. Du 16 au 31 du mois, il m'est interdit de stationner à droite dans ce sens de circulation. En revanche, le stationnement est certainement possible de l'autre côté de la rue, mais à condition de faire demi-tour. Dans ce sens, je ne peux me garer ni à droite ni à gauche. Réponse B. Et D.